franceinter.com. C'est l'un de ces petits pays de nulle part situés aux confins du monde et dont on ne parle que lorsque s'y produit une catastrophe naturelle d'importance ou lorsqu'une guerre civile ensanglante ces villes, à condition que le nombre des victimes se compte par centaines. Et justement, ce fut le cas en juin 2010 où soudain, le paisible Kirghizistan a connu une flambée meurtrière inédite. Une véritable guerre ethnique entre deux communautés qui jusque-là avaient toujours vécu en paix. Mais pour mieux comprendre, il faut savoir que le Kirghizistan, petit morceau de l'immense puzzle de l'Asie centrale, est l'objet de nombreuses rivalités et convoitises. C'est par exemple le seul pays au monde qui abrite deux considérables bases militaires étrangères, l'une américaine, l'autre russe. Et c'est bien sûr en rapport avec le conflit afghan. Il faudrait aussi parler des Chinois, qui partagent une frontière avec les Kirghizes, une frontière particulièrement sensible, puisque côté chinois, on trouve le Xinjiang, où le nationalisme de la population ouïghour inquiète en permanence Pékin. Enfin, autre particularité notable et assez étonnante, le Kirghizistan héberge des milliers d'ONG. Pourquoi ? Et quel rôle ces organisations non gouvernementales ont-elles joué dans l'évolution politique du pays ? Monsieur X répond dans un instant. Drives your car, you let everybody know, but don't play with me, cause you're playing with fire. Your mother, she's in Harris Homes, a bloke in St. John Wood, and your father, the man there with her, if he owns. Don't play with me, cause you're playing with fire. Citation pour commencer. Si la Hollande est le pays des tulipes, le Kirghizistan est celui des ONG. C'est amusant ça. Et qui en est l'auteur ? Le président de l'une de ces ONG kirghizes qui à une époque était au moins 8000. Pour un pays qui compte combien d'habitants ? Un peu plus de 5 millions. C'est donc un record mondial. Assurément. Et cette présence massive n'est pas innocente. Je dois aussi ajouter que si ces ONG sont apparemment kirghizes, elles sont essentiellement financées par des institutions anglo-saxonnes, mais enfin, n'allons pas trop vite. Il y a longtemps. Je ne relève même pas. Le Kirghizistan, c'est d'abord une ancienne république soviétique, la bien moins lotie des républiques d'Asie centrale. Essentiellement parce que c'est un pays enclavé et montagneux qui est à peu près dépourvu de toutes ressources naturelles. Oui, alors que ses voisins regorgent de gaz et de pétrole. Autre particularité. Oui, il existe un véritable antagonisme entre le nord et le sud du pays. Mm-hmm. Et ça tient à plusieurs raisons économiques, ethniques et même religieuses. Mais expliquez-moi. D'abord, les gens du nord, là où se trouve la capitale, Bishkek, ont tendance à se considérer comme les vrais Kirghizes, c'est-à-dire les héritiers d'un peuple nomade qui faisait paître son bétail sur les pentes montagneuses. Au contraire, au sud, où existent les rares plaines du pays, on est plutôt sédentaire. C'est la traditionnelle hostilité là, entre les éleveurs et les cultivateurs. Et au Kirghizistan, cet antagonisme est aussi exacerbé par une conception différente de la religion. Au sud, on pratique un islam plus rigoureux, Et ce n'est pas sans rapport avec la présence d'une importante communauté ouzbek. L'Ouzbékistan, c'est le voisin du Sud. Et s'il y a de nombreux Ouzbeks dans cette partie du pays, c'est que Staline a rattaché de façon autoritaire cette région méridionale au Kirghizistan. On y trouve donc un bon tiers d'Ouzbeks et dans la grande ville du Sud. Osh, qui est située à seulement 3 km de la frontière, ils sont plus de la moitié. Mais existe-t-il une vraie différence entre ces deux peuples? Vous avez raison de poser la question. Car il n'y en a guère. Ouzbeks et Kirghiz sont d'origine turcique et parlent pratiquement la même langue. D'ailleurs, ils ont vécu côte à côte pendant des siècles d'une façon harmonieuse et il y a eu souvent des mariages intercommunautaires. Vous suggérez donc que l'antagonisme entre Ouzbeks et Kirghiz serait artificiel? En grande partie. Et ça veut dire que les événements dramatiques de 2010, je vous rappelle qu'on a parlé de pogroms, ont été sciemment provoqués. Enfin, ça, j'y reviendrai. À ce tableau général, il faut ajouter la situation géographique particulière du Kirghizistan. C'est la voie naturelle qui permet aux voisins chinois d'accéder aux richesses énergétiques de l'Asie centrale et surtout du Kazakhstan. Et c'est aussi l'une des principales routes de la drogue. C'est-à-dire la drogue produite en Afghanistan. Oui, et bien sûr, le fait que la drogue transite par le Kirghizistan a permis l'éclosion de nombreuses activités mafieuses. Enfin, le Kirghizistan est aussi soupçonné d'être de plus en plus pénétré par la propagande islamiste, ou en tout cas d'être l'un des axes de cette pénétration. Vrai ou faux? Il faut se méfier de ces experts qui voient les islamistes partout. Mais il est certain que ce danger extrémiste existe dans le sud du pays, dans la fameuse vallée fertile de la Fergana, qui se prolonge en Ouzbékistan et au Tadjikistan. Et concrètement alors, comment ça se traduit? Il existe un parti islamiste qui a l'ambition de supprimer les frontières datant de l'Empire soviétique afin de créer un vaste califat d'Asie centrale. Et cette organisation a son pendant en Ouzbékistan où un mouvement islamique armé, réputé proche d'Al-Qaïda, recrute des moudjahidines pour la guerre en Afghanistan. Aux côtés des talibans, donc. Oui, mais ce danger, exagéré ou pas, sert aussi de prétexte aux Américains et aux Russes pour justifier les uns et les autres leur présence militaire au Kirghizistan. Au nom de la lutte contre le terrorisme, c'est bien ça? Bien évidemment. Ouais. Alors voyons maintenant comment évolue le pays qui continue à payer son héritage soviétique. C'est-à-dire? C'est Staline qui a mis en place la politique des nationalités et découpé l'Empire en fonction des critères ethniques. Un système rigide et lourd de futures menaces. Je vous explique. Pour le petit père des peuples, dans la République du Kirghizistan, il devait y avoir une majorité de Kirghiz. Ah, c'était pénalisant pour les autres nationalités qui vivaient. Bah forcément. Et si le système a pu durer aussi longtemps, c'est que l'idéologie communiste cimentait les républiques soviétiques. Oui, l'idéologie, mais aussi la pratique totalitaire et policière du pouvoir. Bien entendu. Et on va observer les premiers craquements dès que Gorbatchev va desserrer ce terrible corset. Un peu partout dans l'Empire, on voit émerger des revendications nationalistes ou indépendantistes. Des aspirations trop longtemps bridées par Moscou. Ah, et parfois, c'est très violent. Et ça va être le cas au Kirghizistan dès 1990. Donc, avant même que l'Empire soviétique n'implose. Parfaitement. On va assister pendant une semaine entière à des affrontements entre Kirghiz et Ouzbek, les premiers reprochant aux seconds de s'être approprié le pouvoir économique. Ouais, c'est-à-dire d'être plus riche, quoi. Et d'avoir mieux réussi. Bref, les Kirghiz avaient l'impression de ne plus être chez eux. Ça me rappelle quelque chose de très actuel. Vous avez raison. Et c'est un argument démagogique extrêmement dangereux. Alors, à partir d'un incident relativement banal, une bagarre, le feu prend très vite. Et c'est dans le sud du pays, là où se trouvent de très nombreux Ouzbeks, qu'on observe les violences les plus importantes. Et il y aura des centaines, peut-être même des milliers de morts. Et la paix ne revient que lorsque l'armée rouge se décide à s'interposer entre les belligérants. Ce sont des événements dont on a très peu parlé en Occident. Hein? C'est exact. Mais souvenez-vous, les coutures lâchaient un peu partout dans l'Empire. En tout cas, au Kirghizistan, dès lors, la question identitaire sera au cœur de la politique locale. On l'a encore vu l'an dernier. Ouais. Et quand l'indépendance intervient-elle alors? Fin août 1991. Dans le calme? Oui, enfin il faut dire qu'à l'époque, que les Russes, d'une façon générale, ne s'intéressaient guère aux républiques d'Asie centrale et encore moins au petit et modeste Kirghizistan. Ils changeront d'avis plus tard. Dans la foulée, un président, Askar Akayev, est élu avec 95% des voix. Mais il y a des traditions qui perdurent. Hein. Et qui est cet homme? C'est un nordiste, un mathématicien qui jusque-là n'a pas été politiquement marqué. Très vite, Akaïev choisit une double ligne. D'abord, il va s'appuyer sur la vague nationaliste de 1990 et engage son pays dans la voie d'une kirghizification à outrance, si vous me pardonnez ce néologisme. Vous êtes pardonné, oui. La conséquence, c'est que les Russes très nombreux au nord du pays émigrent et retournent chez eux. Et les Ouzbeks alors? Ah, ben, ils sont très inquiets. Mais Akaïev, habilement, prend soin de ne pas toucher aux privilèges économiques des Ouzbeks installés dans le sud du pays. D'autre part, Akaïev libéralise à tout craint. C'est très important, car ça vaut au Kyrgyzstan d'être remarqué par un certain nombre d'institutions et d'organisations internationales. Mais pourquoi ? Parce que tous ces gens vont se mettre en tête de faire de la République kirghize une sorte de modèle économique. Rendez-vous avec X. Illustration de cette politique de rupture engagée dès l'indépendance par le président Akaïev. Je l'ai trouvé dans un article de l'un des meilleurs spécialistes de la région, Boris Petrich, paru dans la revue Hérodote en 2010. Le premier président kirghize, Askar Akaïev, mène une politique de kirghizification qui touche progressivement aussi bien l'appareil politique que la privatisation des ressources économiques. Il met en place un discours ethno-nationaliste en s'appuyant sur le culte d'un héros national, Manas. Il flatte alors la majorité kirghize et inquiète les autres populations. Il accorde cependant des formes de compensation en permettant à certains non-kirghizes de bénéficier de pouvoirs économico-politiques à partir du moment où ses nouveaux leaders soutiennent sa politique. Et ces organisations internationales, ce sont des ONG ? Évidemment, mais pas seulement. La Banque mondiale, le FMI, l'Union européenne et plusieurs banques s'intéressent soudain au Kyrgyzstan qui va devenir le pays le plus aidé de la région. Parce qu'au fond, c'est un bon élève à leurs yeux, c'est ça ? Tout à fait. La volonté du président Akaïev de mettre fin le plus rapidement possible au système collectiviste séduit tous ces libéraux qui veulent en même temps faire du Kyrgyzstan un exemple de démocratisation. Et tout cela est désintéressé ? Bien sûr que non. Et ici, il faut que je vous parle d'une fondation, la NED, acronyme anglo-saxon de la Fondation nationale pour la démocratie. Cette institution a été créée à l'initiative de Ronald Reagan en 1983 et regroupe elle-même plusieurs autres ONG. Des organisations privées, donc ? En principe, oui, sauf que la plupart figurent au budget du secrétariat d'État américain. Soyez plus clair, de quoi s'agit-il ? Pour simplifier, on peut dire que la NED est chargée de donner un caractère de respectabilité à des activités qui ne pourraient être assumées par des infrastructures officielles. Bref, là où une intervention de la CIA, par exemple, serait trop voyante. C'est à peu près ça. La NED promeut donc la libre entreprise et l'économie de marché et agit au mieux des intérêts états-uniens partout où elle intervient. Un fondé de l'administration de Washington, alors. En effet. Et son préchi-prêcha en faveur de la démocratie et des droits de l'homme dissimule souvent des préoccupations nettement plus mercantiles, ou franchement politiques. Par exemple, quand elle est intervenue au Venezuela, en Bolivie ou en Haïti. En tout cas, même s'il ne le clame pas sur tous les toits, les objectifs de la NED et de la nébuleuse d'ONG qu'elle regroupe sont mondialisation et privatisation. Ouais. Et au Kyrgyzstan, alors qu'est-ce que ça donne ? Le président Akaïev est un bon élève, nous l'avons dit, et c'est à ce titre qu'il mérite d'être aidé. Il va donc pouvoir privatiser à outrance et ce ne sera pas sans dommage pour son pays. Ouais, c'est-à-dire ? L'économie kirghize, soumise à ces violents coups de boutoir, s'écroule. L'élevage, qui était la principale ressource des paysans, dépérit. Et la population rurale se rue vers les villes, où choisit l'émigration. Bref, le pays s'appauvrit. Et les productions industrielles suivent le même chemin. Conséquence, l'endettement augmente dans des proportions considérables. Et si certains clans s'enrichissent grâce à la corruption, la majorité de la population voit son niveau de vie baisser. Malgré l'aide de ces institutions étrangères, là. Et leurs relais locaux, car on voit naître des myriades. Quoi, des sous-traitants ? Oui, c'est à peu près ça. autant d'infrastructures qui se superposent aux échelons administratifs d'un État qui a bien souvent renoncé à exercer ses prérogatives. Et chacune de ces petites ONG locales d'essayer de capter au mieux la manne financière occidentale. Autre point noir, au lieu de favoriser l'émergence d'institutions intercommunautaires, l'aide internationale renforce l'ethnicisation. L'Agence de développement de l'ONU finance, par exemple, spécifiquement des associations des écoles ouzbèques. D'ailleurs, dans le sud, oui. Et ainsi, on creuse encore un peu plus le fossé ethnique. Mais si je comprends bien, on est loin de l'objectif initial, hein, la promotion de la démocratie. Et d'autant qu'au sommet de l'État, le président Akaïev ne donne pas l'image d'un pouvoir impartial. Ayant obtenu par référendum la prolongation de son mandat présidentiel, il est réélu en 1995, puis en 2000. Dans des conditions honnêtes ? Le score à la soviétique qu'il obtient permet d'en douter. Il en profite pour accroître les privilèges de son clan familial grâce aux privatisations. Sa femme, son fils et plus largement tout son entourage trustent les postes officiels et les prébendes. L'installation de la base états-unienne de Manas, après le 11 septembre 2001, donne lieu par exemple au versement de considérables pots de vin. Mais en agissant ainsi, Askar Akaïev ne se conduit pas autrement que les autres satrapes locaux qui dirigent les ex-républiques soviétiques d'Asie centrale. Et la population laisse faire ? Il y a un premier sursaut en 2002. L'opposition parlementaire se réveille. Des émeutes éclatent, provoquant la mort de plusieurs manifestants. Et Akaïev doit faire un geste. Il limoge son premier ministre, Kurmanbek Bakaïev. Il y gagne 3 ans de tranquillité, mais aussi un opposant résolu. Et ce Bakaïev là qui l'a limogé. Oui, qui est bien décidé à obtenir sa revanche. Ce qu'il obtiendra en 2005 à l'occasion de ce que l'on a appelé la révolution des tulipes. Et là encore, même si tous les observateurs ne sont pas d'accord, il semble bien que les ONG anglo-saxonnes ont joué un rôle capital dans cette affaire. Développé. On va assister à la répétition d'un processus révolutionnaire qui a été mis en pratique pour la première fois en Serbie en 1999. Lorsque Milosevic a été chassé du pouvoir. À l'initiative d'un mouvement de jeunes étudiants dont on sait aujourd'hui qu'il a été financé en particulier par le milliardaire américain d'origine hongroise, George Soros. Une révolution pacifique et médiatique très habilement menée. L'application d'une technique qu'on va nommer le « soft power ». Le pouvoir en douceur. Et qui trouve son origine dans ce discours de Reagan sur la démocratie prononcé en 1982. La suite, vous la connaissez, c'est la révolution des roses en Géorgie en 2003. Puis en 2004, la révolution orange en Ukraine. Et à chaque fois, le processus est le même. Et parfois, on y rencontre les mêmes conseillers occultes. Ouais. Et les mêmes sources de financement. Des ONG anglo-saxonnes. Ouais, c'est-à-dire américaines essentiellement. Ce que n'ont pas manqué de dénoncer les Russes, pour lesquels, sans aucun doute, c'était Washington qui se trouvait derrière ces révolutions qui se produisaient dans leur ancien précaré. Alors, s'il vous plaît, revenons au Kyrgyzstan. Il y a cette révolution des tulipes. Et puisque nous venons de parler de la Russie, voyons comment on a réagi à Moscou. Eh bien, au contraire de ce qui s'est passé à Tbilissi et à Kiev, il semble que le Kremlin n'a pas du tout été hostile à cette révolution. Mieux, je pense que Moscou a pris les devants et donné un coup de pouce. Et donc précipiter la chute du président Akaïev. Mais est-ce que les Russes avaient intérêt à obtenir la démission d'Akaïev ? Certes, ils n'avaient vraiment rien à lui reprocher. Sauf, peut-être, d'avoir accueilli avec bienveillance toutes ces ONG venues de l'Ouest. En tout cas, il est sûr que Moscou n'a pas voulu être pris au dépourvu comme en Géorgie ou en Ukraine. En outre, pour Poutine, ça correspondait aussi à un changement de stratégie. Autant la Russie de Boris Eltsine s'était désintéressée du destin de ses anciennes républiques d'Asie centrale, autant celle de Poutine aspire à revenir au premier plan dans la région. Une stratégie de reconquête ? Pourquoi pas ? Je vous l'ai dit, Vladimir Poutine a toujours considéré que le démembrement de l'URSS avait été la plus grande catastrophe qu'ait jamais connue son pays. Rendez-vous avec X tous les samedis à 13h30 sur France Inter. Analyse de la réaction russe à cette révolution des tulipes dans un article de Jacques Amalric paru dans Libération en avril 2005. Pas question, cette fois-ci, de fustiger des ingérences étrangères inadmissibles comme cela avait été le cas pour la Géorgie en novembre 2003 et pour l'Ukraine à la fin de l'année 2004. Bien au contraire, Moscou semble avoir favorisé la démission en bonne et due forme et moyennant l'impunité d'Askar Akaïev, tandis qu'à Bishkek, les nouveaux responsables multipliaient les déclarations de bonne volonté à l'égard d'une Russie présente militairement, comme les États-Unis avec leurs bases antiterroristes, mais aussi économiquement. Le clan Akaïev, grand perdant, avait toujours pris soin d'associer des intérêts russes à sa mainmise sur l'économie kirghize. Cette révolution des tulipes s'est donc faite en douceur. Oui, oui, si l'on accepte quelques morts et les pillages de magasins de la capitale par des milliers de manifestants venus du sud. Et pour confirmer ce que je vous ai dit précédemment, il n'est pas inutile de préciser que les trois nouveaux personnages qui arrivent à la tête du pays sont tous d'anciens apparatchiks de l'époque soviétique. Qui ont donc gardé des liens avec Moscou. Ben forcément. Un trio dirige donc le Kyrgyzstan. Est-ce viable, ça? Non, non. Et très vite, Bakayev, l'ancien premier ministre d'Akayev, éloigne les deux autres, dont une femme, qu'on retrouvera plus tard. D'ailleurs, Bakayev prendra soin d'écarter systématiquement tous ceux qui, avec lui, ont renversé son prédécesseur. Y compris ces membres des ONG, là, qui ont été les acteurs de la révolution des tulipes. En effet. Aussitôt, après avoir remporté des élections législatives marquées par de nombreuses fraudes, il se met en devoir de faire voter une loi encadrant les ONG. Ah, et bien placé pour connaître le rôle important qu'elles peuvent jouer. Hein. Et en même temps, à la fois pour prendre ses distances avec les Américains qui l'ont pourtant aidé à conquérir le pouvoir et donc satisfaire ses amis russes. Il va se livrer à un curieux chantage avec Washington. Ouais. Oui, je vois de quoi vous voulez parler. La base militaire états-unienne située dans le pays. Hein. Manas, pas loin de la capitale. Bakayev menace tout simplement de chasser les Américains. Or, cette base est indispensable aux militaires états-uniens qui combattent les talibans en Afghanistan. Et aussi aux autres alliés, dont la France. C'est par Manas que la coalition convoie une grande partie du matériel et des personnels engagés là-bas. Donc, Bakayev joue sur deux jours. Hein. Ah bah évidemment. Il sait que Washington finira par plier, c'est-à-dire consentir à augmenter de façon considérable le loyer de la base. D'autant que Moscou fait aussi monter les prix, en promettant une importante aide financière si le Kyrgyzstan parvient à fermer la base américaine. Ah oui, résultat alors? Bakayev finira bien sûr par obtenir gain de cause. Et en 2009, Washington acceptera de doubler le loyer de la base. Mais le président kirghiz a joué un jeu très dangereux. Pourquoi? Les Américains pourraient tenter de se venger? Se venger? Bon, je ne sais pas si c'est l'expression juste, mais en tout cas, il est certain qu'ils n'auront plus une grande confiance en Bakayev et qu'il pourrait bien un jour rééditer le coup de force qui a mis fin à la présidence d'Askar Akayev. Est-ce qu'il arrivera en 2010? Et je vais y revenir, mais encore un peu de patience, s'il vous plaît. Il faut dire que Bakayev n'a rien négligé pour devenir l'homme à abattre. Je vous ai déjà parlé de l'élimination progressive de ses partenaires de la révolution des tulipes. Ce n'est qu'un début. Bakayev use bientôt de méthodes autoritaires, sinon totalitaires. Son modèle, et il ne s'en cache pas, c'est Poutine. Et comme lui, il veut gouverner à la force du poignet en contrôlant étroitement les médias et en nommant lui-même les responsables locaux qui étaient auparavant élus. Ouais, les tulipes sont bien fanées. Hein. Et la désillusion ne tarde pas. Parce que Bakayev reproduit, en les accroissant encore, tous les défauts de son prédécesseur. Le népotisme? En particulier. Il place tous les siens à des postes de décision. C'est l'un de ses frères qui dirige les services de sécurité et deux autres qui administrent les régions du sud, là où passent les routes de la drogue. Ce n'est pas un hasard. Bien entendu. D'autre part, il confie à l'un de ses jeunes fils la direction de l'agence économique, une instance qui contrôle tous les investissements étrangers et les programmes économiques nationaux. Et tout cela, bien sûr, pour le plus grand profit du clan Bakayev. Ouais, c'est donc la mise en place d'un système mafieux. Absolument. Et comme dans tout système de ce genre, s'il le faut, on n'hésite pas à user de la violence. Les ennemis intérieurs, c'est-à-dire les opposants, sont physiquement liquidés lorsqu'ils deviennent trop embarrassants. Ce qui conduit certains des protagonistes de la révolution des tulipes à choisir l'exil. Le régime glisse donc peu à peu vers la dictature. Et Bakayev est obtenu d'un nouveau parlement entièrement à sa botte le vote de pouvoir quasiment illimité. Un nouveau parlement, et l'ancien alors? Bakayev l'a dissous en 2007. Et il n'a eu aucun mal à faire élire une assemblée législative qui lui est dévouée. Et en 2009, malgré les scandales et la corruption, Il réussira même à se faire réélire à la présidence. Pourtant, il est d'ores et déjà évident que le régime ne pourra pas se survivre très longtemps. Ne serait-ce que parce que Washington et Moscou, pour une fois d'accord, ne veulent plus le soutenir. Les Américains, parce qu'ils ne veulent plus être complices d'un régime corrompu. Et les Russes, parce qu'ils n'ont toujours pas accepté la présence militaire états-unienne dans un pays qui leur a autrefois appartenu. Mais oui, mais qui va agir le premier ? Le piège qui va être tendu à Bakaïev a été imaginé à Moscou, j'en suis persuadé. Bah, racontez alors. L'une des plaies du Kyrgyzstan, c'est l'énergie, ou plutôt le manque de ressources énergétiques. Mais il faut y ajouter les carences d'un pouvoir qui ne fait rien pour éviter à la population des coupures de courant de plus en plus fréquentes et une augmentation constante des prix du chauffage et de l'électricité. À Moscou, on propose donc au Kyrgyzstan un crédit de 300 millions de dollars destiné à la construction d'une usine hydroélectrique. Mais censé pallier toutes ces difficultés. Oui, mais connaissant la nature du pouvoir, les dirigeants russes se doutent que ces millions de dollars finiront dans la poche des membres du clan Bakaïev. Ce qui va être le cas ? Oui, et en février 2010, la télévision russe, dûment informée par le Kremlin, dénonce le scandale du détournement de ce crédit. C'est l'étincelle qui va provoquer l'explosion souhaitée. En avril, malgré l'arrestation de quatre leaders de l'opposition, dont cet ancien allié de Bakaïev, Rosa Otunbaeva... Qui l'a écarté, hein ? En effet. Donc, malgré ces arrestations, on assiste à des manifestations et même des émeutes. Réaction de Bakaïev ? Elle est très violente. Il fait tirer sur la foule et il y a des dizaines de morts et des milliers de blessés. Mais Bakaïev comprend vite qu'il devra céder la place et il s'enfuit dans le sud. Et Rosa Otunbaeva est chargée de la présidence par intérim. Cependant, Bakaïev n'est pas décidé à s'avouer vaincu. Et lui et ses affidés vont susciter de violents conflits ethniques entre Ouzbeks et Kirghizes. Oui, vous avez parlé de pogroms. Et même d'épuration ethnique, les Ouzbeks étant les principales victimes. Ces événements qui se déroulent sur 5 longues journées en juin vont provoquer officiellement plus de 300 morts. Mais en réalité, il y en a eu beaucoup plus, peut-être des milliers. Bakaïev a-t-il été le seul coupable, là ? Non. Ces ONG qui ont favorisé le communautarisme portent aussi une part de responsabilité. Et bien sûr, il ne faut pas sous-estimer le rôle des organisations criminelles. Et qu'est devenu Bakaïev, là ? Il a fui son pays, mais son pouvoir de nuisance est demeuré intact. Aux élections d'octobre 2010, son parti est arrivé en tête. Mais l'émiettement des suffrages a été tel qu'il ne peut pas revenir au pouvoir. Pour l'instant, en tout cas. Sur franceinter.fr, vous pourrez nous adresser des observations ou nous demander des détails sur ce programme qui commencera, nouvel horaire, à 13h30 samedi prochain. Rebecca de Nantes a préparé cette émission. Merci aussi à Michel Biou pour sa réalisation et aux toutes petites minuscules notes de Monsieur Djoub. Et tout de suite, après le flash, un peu de vert, CO2, mon amour, de Denis Chessou.